comme chaque mardi, nous parlons de planète, de notre planète, et aujourd'hui, de son étoile, le Soleil. Il y a quelque 4500 ans, les Égyptiens vénéraient Ra, le dieu Soleil, créateur et régisseur de l'univers. À choisir une divinité, ils étaient loin d'avoir tort, tant le Soleil joue un rôle essentiel sur l'existence même de tout ce qui nous entoure, de la présence d'eau liquide au climat, en passant, bien entendu, par la vie sur Terre. D'où l'intérêt de mieux connaître notre bonne étoile. Ainsi, récemment, une équipe de chercheurs français dirigée par Éric Fossa, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire Côte d'Azur, a pu déterminer que le cœur du Soleil tourne sur lui-même en une semaine, soit près de 4 fois plus vite que ses couches intermédiaires et extérieures. Les scientifiques observent également les éruptions et les taches solaires. Étudier le fonctionnement de notre étoile nous aide-t-il à mieux comprendre son influence sur la Terre, son impact sur les voyages de l'homme vers d'autres planètes comme Mars, la possibilité d'une vie extraterrestre et même notre avenir à long terme, tant notre destin est intimement lié à celui de notre étoile. Soleil, quels sont les derniers mystères de notre étoile? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour mieux comprendre donc ce Soleil, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alan Sacha Brun. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes astrophysicien et vous dirigez le laboratoire dynamique des étoiles et de leur environnement à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, l'IRFU, du CEA à Saclay. Tout à fait, on a même rajouté le thème exoplanète récemment dans le laboratoire. Donc c'est exactement ces dynamiques des étoiles, des exoplanètes et de leur environnement. Oui. On s'intéresse au couplage étoile-planète justement. Voilà, et nous recevons également Miro Janvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes également astrophysicienne, chercheuse à l'Institut d'astrophysique spatiale, l'IAS, à l'Université Paris-Sud. Exactement. C'est bien cela. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors Alan, Sacha Brun, un petit rappel historique peut-être pour commencer cette émission sur le Soleil. Quand a-t-il été formé et comment a-t-il été formé? Alors, le Soleil a à peu près 4,5 milliards d'années. Il a, pour vous donner une idée, il est dans une galaxie, la galaxie qui est la Voie lactée. Par les belles nuits d'été, quand il n'y a pas trop de pollution lumineuse, on voit cette bande laiteuse dans le ciel, qui est donc un des bras spirales de notre galaxie. Et donc, notre galaxie a à peu près donc 100 milliards d'étoiles. Le Soleil en fait partie. Et dans cette, il s'est déplacé. Il en fait le tour à peu près en 250 millions d'années. Donc, il en est à son 18e tour à peu près de la galaxie. Et il a été formé à la suite d'un effondrement d'un gaz d'hydrogène moléculaire, donc des grands complexes de gaz qui s'étendent sur des dizaines d'années-lumière. Et par suite à une instabilité de la gravité et aussi des phénomènes énergétiques, on va dire thermiques, il a créé une nébuleuse. Et cette nébuleuse a donc été concentrée au centre par le Soleil principalement, parce qu'il représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. Hein. Après, il y a 0,1%. Voilà, énorme. C'est la majorité. Hein. 0,1%, c'est Jupiter. Et puis après, toutes les autres planètes, y compris la nôtre, y compris le nuage de Oort où il y a les comètes, y compris la ceinture de Kuiper où il y a les petites planètes naines qui sont du type de Pluton et au-delà, tout ça, ça fait 0,1% ce qui reste. Donc on voit qu'effectivement, le Soleil, c'est le centre du système solaire qui tourne et qui nous embarque avec lui, avec son cortège. Alors voilà, il est composé de gaz. Il fait à peu près 300 000 fois la masse de la Terre. Il fait 110 fois son rayon, ce qui fait à peu près 1 million fois son volume. Et donc il a un cortège de 8 planètes. Maintenant, vous savez qu'on n'a plus que 8 planètes, les autres ayant été mis dans la catégorie des planètes naines. Alors voilà, ça c'est ce que vous appelez une naine jaune, cette oui. Étoile-là, mise au janvier. Alors comment s'est-il plus précisément formé à cette époque, il y a 4,57 milliards d'années, plus précisément? Donc, comme Sacha vient de le dire, on a cet effondrement d'un nuage de gaz qui va venir vraiment agglomérer tout ce plasma. Donc, le plasma, c'est le quatrième état de la matière. Et il va venir en fait former cette boule. Donc, c'est vraiment une sorte d'instabilité qui va venir former le soleil que l'on connaît à l'heure actuelle. Alors, quand on dit instabilité, ça veut dire quoi ? À cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet effondrement se produise ? Alors, il faut s'imaginer qu'on va avoir une sorte de nuage de gaz, mais ce nuage de gaz n'est pas complètement homogène. Il va y avoir des endroits où on va avoir des sortes de boules de densité, en quelque sorte. Oui. Et ces boules de densité, en fait, vont commencer à agglomérer de plus en plus à cause de la gravité. C'est une instabilité dans le sens où tout va commencer à s'emballer de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va avoir ces grumeaux qui vont accumuler de plus en plus de grumeaux. Comme ils vont devenir de plus en plus conséquents, ils vont attirer encore plus par gravité d'autres grumeaux et ils vont former petit à petit cette boule qu'est le Soleil. Le terme technique, c'est ce qu'on appelle la masse de Jeans. C'est la masse de Jeans, c'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'un gaz, en fonction d'une certaine masse contenue dans un certain volume, cette masse est stable ou instable à la gravité. Alors si on considère que l'univers, lui, a 13,8 milliards d'années d'existence, il s'est passé un très long laps de temps entre le moment de cette création de l'univers et la formation du Soleil. Alors le Soleil est effectivement pas la première génération d'étoiles. Il y a des étoiles de population 3 qui sont des étoiles très faiblement métalliques. Il faut voir qu'il y a une complexification de l'univers qui se fait au cours des âges et il y a de plus en plus d'éléments chimiques. Parce qu'au niveau de la création de l'univers, du Big Bang, il n'y a que les éléments chimiques des 5 premiers de la table de classification périodique des éléments, dit Mendeleïev, qui sont créés. Tous les autres, comme le disait très bien Hubert Reeves, nous sommes de la poussière d'étoiles. Il a fallu passer par des chaudrons stellaires. Donc, la première génération d'étoiles étaient des étoiles très grandes, très massives, généralement, qui vivaient très vite et qui ont commencé à transformer l'hydrogène. Parce que l'hydrogène est l'élément le plus simple qu'on peut faire. Prenez un atome, un proton et un électron. Donc, c'est l'élément le plus simple qu'on pouvait faire dans l'univers. C'est l'hydrogène. Donc, 92% de l'univers est composé d'hydrogène. Et ensuite, vous prenez cet hydrogène et grâce aux réactions nucléaires qu'il y a au sein des étoiles, vous transformez cet hydrogène en élément chimique de plus en plus lourd. Alors, dans la phase actuelle du Soleil, qu'on appelle la séquence principale, c'est qui dure 10 milliards d'années à peu près, donc il a à peu près la moitié de sa vie, on transforme l'hydrogène en hélium. Mais après, un peu plus tard, dans les phases un peu plus avancées du Soleil, il va se transformer en ce qu'on appelle en géante rouge et il va rentrer dans des phases de plus en plus avancées du brûlage. Mais lui, il n'est pas assez massif pour faire une supernova ou des trucs comme ça. Voyez. Alors on va reparler de la fin de vie du Soleil est prévisible aujourd'hui. Mais sur sa composition, comme vous l'avez dit, elle est essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium. Et en fait, le Soleil est une machine à transformer l'un en l'autre, mi-janvier. Exactement. Donc, au cœur du Soleil, on a cette réaction de fusion nucléaire qui va exactement, comme vous l'avez dit, fusionner des atomes d'hydrogène pour donner des atomes d'hélium. Et c'est cette transformation-là qui va créer l'énergie qui va nous parvenir, bon, après un certain processus un peu plus compliqué, mais c'est vraiment une sorte de centrale nucléaire que l'on a au cœur de notre système solaire. Voilà, et donc le carburant, c'est l'hydrogène qui petit à petit se réduit en termes de proportion, puisqu'il se transforme en hélium, avec une quantité d'ailleurs produite par seconde, qui est absolument brûlée, un carburant qui brûle d'une façon absolument énorme. Quel est le chiffre mis au janvier ? 600 millions de tonnes par seconde. Voilà, 600 millions de tonnes par seconde. Et il y a une différence entre la masse de cet hydrogène utilisé comme carburant et la masse d'hélium qui est produite. E égale MC2. Et donc la différence de masse, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Exactement. Et c'est cette énergie que nous recevons sur Terre. Exactement. Alors on en reçoit bien évidemment une partie infime, puisque le Soleil va irradier cette énergie partout, c'est une sphère. Et nous, en tant que petit point dans l'espace, eh bien, on va recevoir une fraction de cette énergie. Alors le Soleil est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est une étoile parmi d'autres. Vous avez cité le nombre d'étoiles de la Voie lactée tout à l'heure, qui est considérable, 100 milliards, oui. Vous avez dit. Et donc, elle n'est pas très grosse ni très petite. Elle est un peu intermédiaire. Elle est plutôt faible. Elle est plutôt dans la catégorie des petites étoiles. En fait, ce qu'on appelle la loi de Salpeter, du chercheur qui a mis en évidence la distribution du nombre d'étoiles par la masse. Donc, plus on est massif, moins il y a d'étoiles qui sont créées par, on va c'est-à-dire par bine, par constituant élémentaire de gaz dans la galaxie. Il faut savoir qu'on forme des étoiles quand il y a du gaz, quand les galaxies sont trop âgées et qu'elles ont perdu la grosse majorité de leur gaz, il y a beaucoup moins de flambées d'étoiles et de création d'étoiles. Alors, les étoiles, principalement, qui composent notre galaxie, c'est ce qu'on appelle les naines rouges. Donc, c'est des étoiles qui font 30 à 40, moins de 30 ou 40% de la masse du Soleil. Pour être une étoile, il faut faire plus de 8% de la masse du Soleil. Donc, entre 8 et 30% de la masse du Soleil, c'est à peu près là où il y a la majorité des étoiles dans l'univers, dans notre galaxie. Après, petit à petit, on monte vers les étoiles de type solaire. Dans notre galaxie, il y en a à peu près 4 milliards, de l'ordre des étoiles de type G, du Soleil vraiment G2, le type exact du Soleil peut-être de l'ordre d'un milliard. Et plus on monte vers les étoiles de grosse masse, avec pour l'instant les plus massives qu'on a découvertes, c'est à peu près 150 fois la masse du Soleil, il y en a de moins en moins. Donc il y a toute une distribution, et une des travaux qu'on essaie de faire quand on est astrophysicien, c'est d'essayer de comprendre cette distribution. Alors il y en a une qui est plus proche que les autres, de ces étoiles hors du système solaire, hors du Soleil lui-même, il s'agit de Proxima du Centaure. Oui. Mais aujourd'hui, alors comment on peut la décrire par rapport à notre étoile ? Alors comment est-ce qu'on peut la décrire ? Alors moi, je ne travaille pas sur les autres étoiles, puisque ma spécialité c'est véritablement le Soleil. Ce que je peux en dire par contre, c'est que c'est une étoile qui nous intéresse énormément, notamment depuis le lancement d'une mission spatiale qui s'appelle Kepler, que l'on a lancée en 2009, avec un instrument avec lequel on peut voir les exoplanètes qui vont tourner autour de ces étoiles. Et ce que l'on s'aperçoit, eh bien, c'est que Proxima du Centaure a justement des exoplanètes. Et on s'y intéresse très fortement parce qu'elle n'est pas si lointaine que le Soleil. Et on se demande quelle est sa dynamique comparée à celle du Soleil. Alors là, on touche au cœur de la recherche actuelle. Voilà, et avec la découverte d'une exoplanète autour de ce Soleil, de cette étoile, il y a très peu de temps, il y a un an à peu près, que cette découverte a été faite. Mais il faut quand même préciser que la distance de cette étoile la plus proche de la nôtre est quand même de plus de 4 années-lumière, ce qui est absolument déjà considérable. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Voilà, donc ça donne une idée. C'est une grande distance. Mais à l'échelle de l'univers, 4 ans, c'est rien. Parce que notre galaxie fait 100 000 années de taille. Donc 4 ans, c'est petit. 4 ans, c'est petit à cette échelle-là. Voilà. À notre échelle, il y a du travail. On ira malheureusement jamais. c'est bien de le préciser quand même, parce qu'il y a beaucoup. Enfin, jamais, j'emploierai pas un terme définitif. En tout cas, peut-être de notre vivant. Exactement. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui au Soleil avec nos deux invités, Alain Sacha Brun, astrophysicien, directeur du laboratoire dynamique des étoiles de l'IRFU au CEA de Saclay, et Mio Janvier, astrophysicienne, chercheuse à l'Institut d'astrophysique spatiale, l'IAS, à l'Université Paris-Sud. Alors l'un des problèmes posés par le Soleil, c'est son observation, parce qu'il est très difficile d'en approcher et puis aussi de l'observer, ne serait-ce que visuellement. Et par exemple, sa couronne est très difficile à mettre en évidence dans un télescope. Pour preuve, cette archive de l'INA de 1957 qui est extraite d'un film réalisé à la mémoire de Bernard Liot, astronome inventeur du coronographe. À l'observatoire du pic du Midi, dans nos Pyrénées centrales, après les séances de travail, l'astronome Bernard Liot, qui était sportif, se reposait en escaladant les pentes. Spécialiste du Soleil, Liot voulait en étudier la couronne. Mais cette auréole n'est visible que pendant les éclipses totales très courtes et rares. Ayant inventé le coronographe, qui réalise une éclipse artificielle et montre en tout temps la couronne, Liot s'en sert pour filmer dès 1935 les éruptions du Soleil. La lunette du pic porte le coronographe, au bout duquel Liot règle sa caméra. Et voici une très belle banderole qui se déploie obliquement. Mais regardons le milieu de l'écran. À 500 000 km d'altitude jaillit cette colonne. Ces éruptions apportent parfois des troubles violents dans nos communications télégraphiques et dans la radio. Des aurores boréales apparaissent jusqu'en France. Dans ce geyser dont les flots retombent en casque, la vitesse du jaillissement est telle qu'il atteint en quelques minutes 100 000 km d'altitude. L'énergie mise en jeu est colossale. Une bombe atomique n'est rien en comparaison. Les effets sur la Terre des violences du Soleil sont loin d'être tous connus. Il est capital d'étudier ces phénomènes dont l'influence sur l'homme et sur la vie pourrait n'être pas négligeable. Cette archive donc de l'INA, du CNRS, où l'on entend la voix de Paul Couder, astronome à l'Observatoire de Paris, montre qu'à l'époque, l'observation du Soleil et de sa couronne et de ses colonnes de gaz n'était pas chose facile. Depuis 1995, eh bien, c'est l'ère des satellites qui a pris le relais. Et comme SOHO, le premier à avoir changé la donne, avec des possibilités, mais Alain Sacher-Brun, qui sont sans comparaison avec ce qu'on a pu enregistrer auparavant. Oui, alors effectivement, bon, je dirais pas que SOHO a été le tout premier, il y a eu bien sûr d'autres satellites avant. L'avantage de SOHO, ça a été le premier observatoire solaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur SOHO, il y avait 13 instruments et qui avaient tous des complémentarités au niveau de l'étude du Soleil. Avant, il y avait plutôt des missions qui étaient assez spécifiques, aller regarder tel phénomène du Soleil. Et là, pour une fois, l'Agence spatiale européenne et la NASA se sont mis d'accord pour faire le premier observatoire solaire où on pouvait avoir cumulé au même instant plusieurs diagnostics. Comme on dit, remote, c'est-à-dire à distance, donc de l'imagerie, et in situ, c'est-à-dire aussi de détection des particules locales, et donc d'avoir toute cette complémentarité, cotemporalité de l'observation. Et dans le cadre de SOHO, ce qui a été vraiment très intéressant, c'est qu'il a été mis au point de Lagrange L1, qui est à peu près 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans la lignée Terre-Soleil, et donc il observe le Soleil 24 heures sur 24, alors qu'avant, on avait bien sûr le problème des effets jour-nuit. Donc pour certains phénomènes, à la rigueur ça pouvait encore fonctionner, mais pour certaines études, l'interruption du signal créait des phénomènes spurieux dans la prise de données qui rendaient plus difficile l'analyse fine. Et donc vous avez mentionné le travail d'Éric Fossat, dont un des membres de mon laboratoire a contribué en tant que co-auteur. Et ce travail justement bénéficie de l'instrument GOLF qu'on a développé conjointement au CEA et à l'IAS justement. Et donc on a pu, grâce à cet instrument, avoir 21 ans quasiment continu d'observation des vibrations solaires. Ce qui n'aurait pas été possible avec la Terre, parce qu'on avait toujours ces phénomènes de jour-nuit. Alors, oui, Mio Janvier voulait intervenir. Oui, alors moi, je trouve que c'est très intéressant justement cette rupture entre l'avant-ère spatiale et l'après-ère spatiale, parce que c'est effectivement avec l'avènement de l'ère spatiale que l'on va commencer à regarder la dynamique de l'atmosphère du Soleil et le lien, comme l'a souligné Sacha, le lien avec ce qui va se passer dans le milieu entre le Soleil et les planètes. Et il va falloir que l'humain invente les satellites pour pouvoir avoir cette complémentarité de données. Alors juste une précision sur ce que vous avez dit sur les points de Lagrange, ce sont des endroits où il y a une espèce d'équilibre. Entre la gravité du Soleil et celle de la Terre. Voilà. Et il y en a cinq. Il y en a cinq, et donc ils sont largement utilisés pour l'observation du Soleil. On verra que les prochains L1 est très utilisé, parce qu'il est dans la ligne de visée. Après, on va envoyer par exemple James Webb Space Telescope, le successeur de Hubble, au point L2 qui sera en opposition par rapport à la Terre et le Soleil. Alors, le point L2 justement est situé derrière, donc on ne l'utilise pas pour les observations solaire, puisque justement la Terre bloque toute la lumière qui nous provient du Soleil. Alors que l'idée justement c'est de s'éloigner de la Terre et d'avoir une autre vision, un autre angle de vue pour les prochains satellites. Alors ça c'est pour les autres points de Lagrange, effectivement, notamment les points de Lagrange L5, enfin L5 et L4, mais ouais. L5 en particulier, qui est en amont de la Terre et qui va nous permettre, on espère, de raffiner en quelque sorte le jeu de données que l'on a pour pouvoir améliorer nos outils de prédiction. Alors justement, ces satellites en particulier peuvent servir à observer et à mieux comprendre les éruptions solaires qui sont l'un des enjeux majeurs de la recherche en météorologie spatiale. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé à la rencontre de l'un de ces météorologues du Soleil. Oui, il s'appelle Étienne Paria, il est chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris-Meudon et il étudie l'activité solaire, c'est-à-dire les éruptions solaires et leur impact sur la Terre. Tout son travail consiste à prévoir les éruptions éruption solaire qui, si elle venait à s'intensifier, pourrait avoir un effet néfaste sur nos réseaux, aussi bien électriques que de télécommunications. Petit problème, qui est quand même de taille, ces éruptions sont très compliquées à prévoir. Étienne Paria m'a donc montré, simulation numérique à l'appui, comment ces prévisions sont aujourd'hui faites et comment on peut surveiller notre étoile. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir des informations sur le champ magnétique du Soleil. Le Soleil, c'est une étoile magnétique, c'est une étoile qui va produire du champ magnétique. Alors c'est quelque chose dont on a peu l'habitude sur Terre, parce qu'on n'est pas dans un milieu où, en fait, nous, les êtres humains, on n'est pas sensibles à ça. Mais en fait, 99% de la masse de l'univers est en partie gouvernée par le champ magnétique, et c'est le cas pour le Soleil. Et ce champ magnétique, en fait, c'est la source d'énergie des éruptions solaires. Donc, la première donnée qui pour moi, sont les plus importantes, c'est d'arriver à mesurer ce champ magnétique sur le Soleil. Alors, il y a des instruments qui le font, il y a des satellites, il y a un satellite qui s'appelle Solar Dynamic Observatory, qui en permanence prend des mesures, fait des cartes du champ magnétique. On est dans votre bureau, et puis à côté de nous, il y a un grand écran d'ordinateur, et un Soleil qui tourne, et ça, c'est le Soleil qui était hier, c'est ça? Ça, c'est le Soleil vu hier. Sur cette image, c'est une image en ultraviolet. On va regarder ici, en fait, la haute atmosphère du Soleil. C'est une information que notre œil ne peut pas voir. On voit des structures qui sont plus ou moins brillantes, des zones qui sont plus sombres. On voit un certain nombre de petits poils qui s'hérissent tout autour du limbe du Soleil, tout autour du tour du Soleil. Et en fait, chacun de ces petits embrillancements, ce sont des petites éruptions qui vont avoir lieu, ce sont des zones qui vont chauffer. Alors, ça, c'est des images en ultraviolet, mais ce qui est important pour nous, c'est d'étudier le Soleil dans toutes les gammes du spectre électromagnétique. Dans le visible, on peut faire ça sur Terre, et ce qui nous intéresse, c'est d'étudier le champ magnétique. Ce qu'on va voir ici, ce sont des mesures, des cartes du champ magnétique du Soleil. Alors, c'est un petit peu moins joli que les cartes en ultraviolet. Ce qu'on va voir, c'est un disque qui va être tout gris, mais il y a des zones qui vont être blanches ou noires, qui sont en fait des zones où le champ magnétique est plus intense. Il y a des polarités, il y a un pôle nord et un pôle sud, et on va voir donc qu'il y a des zones blanches et des zones noires, ça correspond au pôle nord et au pôle sud, au pôle positif et au pôle négatif du champ magnétique. Et ce sont des zones où le champ magnétique est très très intense. Alors, intense, on va dire, c'est à peu près 1000 fois plus intense que le champ magnétique en train de nous traverser, nous, êtres humains, à l'heure actuelle. Alors, c'est pas si intense que ça. En fait, on est capable de faire du champ magnétique beaucoup plus intense sur Terre. Un instrument d'IRM, par exemple, va faire un champ magnétique qui va être à peu près équivalent à celui des régions actives, à celui de ces zones. Par contre, ces zones sont gigantesques. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on regarde une image du Soleil, la Terre, elle est 100 fois plus petite. C'est-à-dire que si on prend la largeur du Soleil, on peut mettre 100 fois la Terre dedans. Donc si on regarde ces zones ici, la Terre, c'est vraiment une toute petite partie. Donc c'est des zones de concentration du champ magnétique où il y aura un flux magnétique qui, lui, va être énorme, qui va être gigantesque. Et ça veut dire que c'est une source d'énergie, une zone où l'énergie va se concentrer de manière très forte. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, cette énergie? On va voir que les zones où le champ magnétique est présent, donc ici je vais alterner des images, des mesures du champ magnétique et des images, cette fois-ci en ultraviolet, on va voir que là où étaient les concentrations du champ magnétique, c'est là où les images ultraviolettes, ça bouge, c'est là où c'est très dynamique, où on voit des grandes boucles qui sont en train d'évoluer au cours du temps, qui sont beaucoup plus brillantes que le reste du Soleil. Ce sont ce qu'on appelle des régions actives, et c'est là où se déroulent les éruptions solaires, qui par la suite peuvent avoir un effet sur la Terre. Vous réalisez des simulations de ces éruptions solaires. Quand on réalise une simulation, finalement, on crée un scénario. Alors, quels scénarios sont envisagés dans le cadre de ces simulations? Alors, les simulations numériques, on va essayer de reconstituer ce qui va se passer sur le Soleil. Alors ça, c'est une simulation d'éruption solaire sur laquelle on travaille ici à l'Observatoire de Paris. Donc ça, c'est les conditions, on va dire, initiales. C'est le début de notre simulation. Alors, on va voir, vous voyez, une espèce de fond gris. On va voir ici aussi une polarité blanche et noire. Donc ça, c'est les mesures du champ magnétique. Ça représente le champ magnétique qui est situé sur le Soleil. Ce que je représente ici aussi, on voyait cette espèce de ligne multicolore. Ça marque les lignes de champ magnétique. Ça marque la location où est le champ magnétique. En fait, ça correspond, lorsqu'on regarde aux images ultraviolettes, les images du Soleil de toutes les couleurs qu'on voyait précédemment, ce sont ces boucles. Ça trace la location de ces boucles. Et ce qu'on va faire dans cette simulation, c'est qu'on va déplacer, faire des mouvements au niveau de la frontière, et on va voir comment le système réagit à l'injection d'énergie. On voit ici, par exemple, ça c'est la on se forme, on voit une structure rose qui est en train de monter, qui est en train de se former. Et puis, dans certains cas, cette structure va donner une éruption, c'est-à-dire que soudainement, cette structure va être éjectée. Ça paraît très très calme sur ce genre de film, mais en fait, il faut savoir que la vitesse ici, c'est à peu près 1000 km par seconde. Donc 1000 km par seconde, c'est une masse qui est à peu près comparable à la masse de l'humanité. En fait, une éruption solaire, vous prenez tous les êtres humains qui vivent sur Terre, et en une seconde, vous leur faites faire Paris-Marseille. Donc c'est vraiment une énergie considérable qui est dégagée. C'est en fait les événements les plus violents qui ont lieu dans le système solaire. C'est à peu près 1 milliard de fois la bombe thermonucléaire la plus puissante qui est explosée sur Terre. Et c'est donc la manière dont se déroule une éruption solaire. Donc à partir de ces simulations, on va étudier qu'est-ce qui fait que le système tout d'un coup devient violent, pourquoi il y a une éruption, comme de la même façon que pour un volcan, pourquoi tout d'un coup il éjecte de la lumière, il éjecte de la matière. C'est la même chose qu'on va étudier à partir de ce genre de choses. Les prédictions à l'heure actuelle, on est assez mauvais. Une grosse éruption solaire, on a à peu près 40% de chances de la prédire aujourd'hui. Et ceci, c'est parce que c'est un problème qui reste très compliqué. On est très loin du Soleil, il nous manque énormément d'informations. Une région active, c'est les zones où les éruptions ont lieu, c'est une dizaine de fois la taille de la Terre. Or, la zone où l'éruption va se déclencher, c'est une toute petite zone qui va être la taille d'un immeuble, vraiment d'un gros bâtiment. Donc on peut absolument pas l'observer à l'heure actuelle depuis la Terre. Et en fait, même avec les ordinateurs les plus puissants qu'on a à l'heure actuelle, il nous est à l'heure actuelle impossible de représenter ce volume, ces régions actives qui sont de la taille de 10 fois la Terre, en ayant en même temps suffisamment de résolution, suffisamment de détails pour voir ce qui se passe à l'intérieur de chaque immeuble qui serait les zones où pourraient se déclencher ces éruptions. Alors, mi-janvier, peut-être une réaction et une explication sur cette activité magnétique du Soleil. Pourquoi est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi elle se produit et également pourquoi elle peut devenir aussi intense dans les cas d'éruption? Alors, comme je le disais au tout début, le Soleil est fait de cet état de la matière qui est le plasma, qui est en fait un gaz ionisé, c'est-à-dire que le gaz a vu ses atomes perdre des électrons, et ce qui fait que cet état de la matière va générer un champ électrique et un champ magnétique. Il faut savoir que le Soleil est tellement gigantesque qu'il va former ce champ magnétique gigantesque qui va même s'étendre jusqu'aux confins du système solaire. En fait, les limites du système solaire, c'est le champ magnétique de notre étoile. Et comme ce plasma-là n'est pas du tout solide comme la Terre, finalement, ce champ magnétique va commencer à tourner avec le Soleil, ce qui va tourner avec des vitesses différentes suivant les points où l'on se trouve sur le Soleil. Donc à l'équateur, on va tourner à une vitesse différente de celle des pôles. Et ça, petit à petit, ça va venir tordre le champ magnétique à grande échelle du Soleil. Et imaginez que vous ayez par exemple un élastique pour les cheveux que vous ayez dans vos mains, vous allez le torsader. Et bien, c'est un peu ce qui va se passer à certains endroits. En fait, on va créer une sorte de torsade ou de complexification de ce champ magnétique. Ce champ magnétique va stocker énormément d'énergie, et c'est ce stockage d'énergie qui va être la clé de ces éruptions solaires. Alors, est-ce que c'est justement la visualisation de ces orages, etc., que l'on peut voir dans les aurores boréales? Est-ce que c'est l'interaction donc entre ce qui est émis par le Soleil et notre propre magnétosphère qui provoque ces phénomènes? Oui, alors il faut savoir que ce que l'on appelle les éruptions solaires, on va dire en français, c'est une traduction un peu faible du mot flare que l'on utilise en anglais, qui est plutôt un embrayancement. Et des embrayancements, on en voit partout, parce qu'en fait, on va venir stocker l'énergie un peu partout dans l'atmosphère du Soleil. Certaines de ces éruptions vont créer des énormes structures, des énormes bulles magnétiques, qui vont être, elles, lancées dans l'espace. On appelle ça des tempêtes solaires. Et ce sont ces tempêtes solaires-là qui vont venir interagir avec le champ magnétique terrestre et qui vont former, après quelques processus un peu plus, que je détaillerai peut-être un peu plus après, qui vont créer les aurores boréales. Donc c'est une chaîne de phénomènes qui vont d'abord se produire au Soleil, qui vont ensuite venir se propager dans le milieu spatial et interagir avec le champ magnétique de la Terre qui vont créer les aurores boréales. Alors Étienne Paria nous dit qu'en gros, il faudrait développer cette météo solaire ou spatiale entre la Terre et le Soleil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît important dans la mesure, Alain Sacha Brun, dans la mesure où il s'agit aussi de nous prémunir contre certains effets du Soleil sur la Terre. Oui, alors j'ai deux informations importantes par rapport à ça. La première, c'est que oui, c'est essentiel. Il y a eu, avant que Barack Obama ne soit plus le président des États-Unis, une communication de la Maison Blanche disant qu'il fallait que les États-Unis se préparent, que ça faisait partie des nouveaux risques à prendre en compte. Et ça faisait déjà un certain nombre de temps que la communauté française et européenne avait ses réflexions aussi. Et il y a eu donc une volonté sous l'égide du CNES, suite à une demande de la Direction Générale de l'Aviation, de créer un comité en météorologie de l'espace en France et bien sûr en connexion avec nos collègues européens et américains. Donc je fais partie de ce comité. Ce comité vient d'être de nouveau reconduit avec maintenant une structure officielle et pérenne. Et l'INSU, le CNRS, donc l'Institut des sciences de l'univers du CNRS, a aussi créé un comité pour que les deux se coordonnent, avec celui de l'Agence spatiale française plutôt pour les utilisateurs, pour faire des services opérationnels, et celui du CNRS plus pour la partie recherche ab initio, c'est-à-dire recherche des mécanismes fondamentaux qui expliquent cette éruptivité du Soleil. Alors c'est la première information. Donc on a cette organisation maintenant de la météorologie spatiale en France et en Europe, ce qui est très bien. Et en Europe, on appelle ça Space Situation Awareness, c'est-à-dire la prise de conscience de l'environnement spatial autour de la Terre. Il n'y a pas que ce qu'on voit le Soleil, il y a aussi des rayons cosmiques qui viennent de notre galaxie, il y a aussi des micro-météorites et des géocroiseurs, il y a aussi d'autres phénomènes. Et pour l'autre point que je voulais dire, c'était l'origine du champ magnétique du Soleil, c'est lié à un phénomène qu'on appelle un mécanisme, qu'on appelle la dynamo. Et les gens, ils sont assez familiers quand ils ont des vieux vélos et qu'ils mettent la dynamo sur la roue. Alors qu'est-ce que c'est une dynamo sur un vélo? C'est la conversion de l'énergie mécanique, c'est-à-dire quelqu'un qui pédale, qui fait tourner la roue, et il y a un bobinage à l'intérieur de cette dynamo qui transforme ça en courant électrique et qui permet d'allumer l'ampoule du phare du vélo. Bon, alors en fait, dans le Soleil, il y a ce phénomène aussi de transformation de l'énergie mécanique des mouvements du Soleil en énergie magnétique et électrique. Alors bien évidemment, il n'y a pas de vélo ni de roue à l'intérieur du Soleil, c'est une boule de fluide et de gaz qui tourne. Et il faut savoir qu'au sein de la Terre, il y en a une aussi de dynamo. Donc la Terre a une dynamo qui est moins intense que celle du Soleil, qui n'est pas cyclique, qui est irrégulière, contrairement au Soleil. Donc le dernier renversement sur Terre, c'était il y a 780 000 ans. Et là, l'inversement, le Soleil... c'est-à-dire l'inversion des pôles. Exactement. Ce qui n'est pas rien. Et c'est pas rien. Donc c'est pas encore arrivé là sous l'ère, on va dire, des humains modernes. Mais si jamais, ça prend à peu près entre 1000 et 2000 ans pour le champ magnétique de la Terre de se renverser. Mais si on avait été dans une phase comme celle-là, on pourrait avoir nos boussoles qui nous indiquent l'équateur le temps que le champ se renverse et que finalement il arrive au pôle sud. Hein. Donc c'est toujours marrant. Donc ce que je dis bien, pour pas que les auditeurs interprètent mal ce que je dis, c'est le renversement des pôles magnétiques, pas géographiques, hein, bien sûr. Hein. Et donc c'est des courants à grande échelle qui parcourent les corps. Et donc c'est ce magnétisme, dans le cas du Soleil, il est cyclique. Il a un cycle de 11 ans. Et donc l'activité dont on vient de parler avec Mio et dont vient de parler Étienne, c'est une activité en fait qui varie, qui est modulée par plusieurs cycles. Le principal étant celui de 11 ans. Il y a de plus en plus de tâches qui apparaissent au maximum d'activité. Le précédent maximum était en 2014 pour nous. Voilà. Et là, on est en diminution d'activité. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a moins d'événements d'éruption. Alors peut-être quand même une précision sur cette relation entre les taches solaires dont on parle assez souvent et les éruptions. Et puis aujourd'hui, semble-t-il, une disparition de ces taches a priori, du moins dans la partie visible du Soleil, et puis une baisse de son activité, mais au janvier. Est-ce que cela prédit un refroidissement de la Terre? Alors, il faut savoir que effectivement, le cycle de 11 ans, on va voir le Soleil briller. Et cet embrayancement général va également changer sur ce cycle de 11 ans. Et ça veut dire que le flux d'énergie que l'on va avoir, nous, sur Terre, va également fluctuer sur cette base de 11 ans. Donc il va y avoir des effets. Par contre, si maintenant vous me posez la question, est-ce que cet effet peut expliquer, par exemple, les hausses de température que l'on voit à l'heure actuelle, là on n'est plus du tout sur une base de 11 ans, c'est des augmentations qui ne sont pas explicables par les modèles que l'on a juste avec l'influence du Soleil, donc ce sont des effets qui sont finalement très très peu ressentis à notre échelle humaine. Donc on en parlait juste avant l'émission pour tout dire. Et Alain Sachin-Prend, on disait que vous nous disiez que l'influence du Soleil, aussi bien en chaleur supplémentaire ou bien en refroidissement était sans commune mesure avec ce que l'on a pu mesurer depuis l'ère, le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire en gros une augmentation de 1 degré de la surface, de la température de la Terre. Le Soleil, quelle est sa part dans cette augmentation ? Aujourd'hui, on a un peu du mal à distinguer historiquement les effets du volcanisme et les effets du Soleil. Les deux cumulés, les derniers rapports du GIEC donnent de l'ordre de grandeur de 0,2 à 0,3 degrés des deux effets cumulés. On peut dire, sans prendre trop de risques, que pour le Soleil, c'est entre 0,1 et 0,2 degrés, donc un effet maximum de 10-20%. Donc c'est clair que la grande majorité de du réchauffement climatique est due à l'activité humaine et non pas à des phénomènes cosmiques. Alors on va revenir quand même sur les éruptions et sur les effets magnétiques, parce que s'il y a cette mobilisation dont vous parliez tout à l'heure, Alain Sachabrin, c'est parce qu'il y a des risques importants sur la vie sur Terre aujourd'hui, parce que je pense que c'est peut-être ces risques étaient moins grands il y a quelques centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, on a de l'électronique, on a des satellites, on a beaucoup de choses qui peuvent être sensibles, mi-janvier, à ces éruptions solaires. Exactement. Et c'est ça ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, le Soleil a toujours été dans nos vies. On ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir quelle était son activité justement à partir, jusqu'à l'ère spatiale où là on a commencé à voir sa couronne, donc son atmosphère et le dynamisme de son atmosphère. Et on a vu ça avec, comme j'avais dit tout à l'heure, l'ère spatiale. Et finalement, ça se mord un peu la queue puisque on est obligé d'envoyer des satellites pour voir comment le Soleil réagit. Et que ces satellites-là deviennent eux-mêmes sensibles à l'activité du Soleil. Alors là, je parle de satellites d'observation solaire, mais évidemment, il y a tous les satellites de télécommunication, tous les satellites de navigation, de systèmes de navigation comme le GPS, par exemple, qui peuvent être impactés par l'activité du Soleil. Je voudrais quand même corriger un petit peu, parce qu'on vient d'entendre quand même Bernard Liot et le coronographe, on peut quand même observer la couronne donc avec des coronographes. Donc bien sûr que l'ère spatiale a permis la continuité et la très haute résolution, mais bon, il y a un projet de télescope de 4 mètres développé par les Américains sur l'île d'Hawaï, les projets en l'European Solar Telescope qui ferait aussi 4 mètres. Donc je veux dire, on peut observer le Soleil, la dynamique de l'atmosphère solaire depuis le sol quand même. Je suis d'accord avec Mio que l'ère spatiale nous a permis finalement d'avoir accès à des superbes données cotemporelles, multilongueurs d'onde, mais il est évident que les observatoires sol ont encore tout à fait leur place. Alors ce qu'Étienne Paria voudrait, c'est une vision totale du Soleil à 360 degrés pour pouvoir justement prévoir ce qui va se passer lors de la suite de sa rotation. Et là, ça sera difficile depuis la Terre d'avoir cette vision à 360 degrés. J'ai écrit un papier, ce qu'on appelle un white paper à la NASA. Il y a eu un appel de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale japonaise, les NASA ESA JAXA, il y a un an à peu près, sur appel à idées pour améliorer notre compréhension du Soleil et du système solaire. Et l'idée de ce papier que j'ai écrit avec une cinquantaine d'autres chercheurs dans le monde entier, c'était de dire, il est temps, et c'est pas je ne suis pas le premier à le dire, c'était juste histoire de le remettre encore sur la table une fois de plus, d'avoir un suivi 360 degrés du Soleil. Donc comme je le disais lors de discussions préparatoires à cette émission, la première fois où on a une image des 360 degrés du Soleil, c'était le 7 février 2011. Donc c'est pas vieux. C'est très très récent. Et donc là, effectivement, l'ère spatiale a été essentielle. Sans ça, on l'aurait pas. Hein. Parce qu'avec sur Terre, ce que vous pouvez faire, c'est voir la face visible du Soleil au moment où vous la voyez quand vous êtes dans la période du jour. Hein. Et bien évidemment. Et donc ça, avoir 360 degrés, j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Déjà, il y a Solar Orbiter, le satellite de l'Agence spatiale européenne qui sera envoyé vraisemblablement en février 2019, qui va permettre d'aller voir les hautes latitudes du Soleil. Et il y a Parker Solar Probe qui, elle, va pouvoir aller très proche du Soleil. Donc l'idée, c'est de commencer à suivre et à observer le Soleil dans toute sa complexité. Alors, mi-janvier, est-ce que ça veut dire qu'à terme, on sera capable de prévoir... Étienne Paria nous parle de 40% aujourd'hui de chances de prévoir une éruption solaire. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser augmenter cette probabilité? Et aussi, quel est le risque? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer à la suite d'une formidable éruption solaire, comme il y en a eu, semble-t-il, il y a très longtemps? Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui sur Terre avec tout notre matériel électronique? Alors déjà, pour répondre à la première partie de votre question, c'est tout le but de la prédiction de l'activité du Soleil. C'est tout ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, à l'heure actuelle, en termes de préparation de missions futures et en termes de théorie, d'analyse des données. Et la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore une compréhension complète des éruptions solaires provient du fait, alors Étienne Pariel a souligné à juste titre, ce qui nous manque, c'est la compréhension du champ magnétique, puisque finalement c'est ce champ magnétique qui va stocker, emmagasiner l'énergie des éruptions solaires. Sauf que, les mesures que l'on a du champ magnétique ne se font que dans la couche surfacique du Soleil, voire peut-être les altitudes beaucoup plus basses de l'atmosphère du Soleil. Et donc on est en train de penser, comment est-ce que l'on peut développer des instruments qui nous permettraient d'avoir une compréhension plus globale, volumique, du champ magnétique du Soleil, qui nous permettrait de contraindre toutes les théories que l'on a et les simulations numériques que nous avons. Et donc je pense que oui, on peut dire que dans une dizaine d'années, vu les développements qui sont faits à l'heure actuelle, on aura une bien meilleure compréhension de ces phénomènes-là. Et la deuxième partie ? Alors la deuxième partie, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors déjà, il faut savoir que les effets de ces éruptions solaires, qu'elles soient conséquentes ou pas, on les voit déjà, notamment sur nos réseaux électriques. Et il y a une étude qui a été conduite aux États-Unis qui a essayé de quantifier quelle était la perte en termes d'argent, la perte monétaire de ces fluctuations du champ magnétique solaire sur les fluctuations, en conséquence, sur les fluctuations de nos réseaux électriques, en particulier aux États-Unis. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse de plus en plus à la météorologie spatiale. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? Prévoir, c'est un peu comme quand il fait froid, par exemple, on a un pic de froid en France, les gens vont commencer à mettre leur chauffage et donc les centrales nucléaires doivent prévoir quels sont ces effets-là. Et là, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que les effets électriques qui peuvent se passer sur nos réseaux électriques, on va essayer de prévoir ce qui peut se passer, quelle est l'intensité de ces courants qui vont venir se rajouter à nos réseaux électriques pour pouvoir en quelque sorte baisser l'intensité que nous générons pour ne pas accumuler trop de courant sur nos réseaux électriques. Maintenant, en termes de satellites, alors là, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de discussions avec les industriels qui vont créer ces satellites-là, mais je pense qu'il va falloir dans les prochaines années commencer à penser comment est-ce que l'on peut traquer la multitude de satellites que l'on est en train d'envoyer, parce que leur trajectoire va être impactée très fortement par l'activité du Soleil. Donc, plus on va envoyer de satellites, plus le réseau de suivi de tous ces satellites va se complexifier et il va falloir comprendre beaucoup plus ce phénomène. Il est de tous les pays sombres, dans tous les livres de demain, de toutes les armées de l'ombre, on le connaît mal et si bien. Il est de tous les pays sombres et des départements voisins. Il a le regard d'une colombe, dans les cieux une arme de poing. Dans les endroits toujours plus chauds, dans les prisons rouges ou bien noires, c'est toujours par là qu'on peut voir le soleil inconnu. Le gloire au soleil inconnu. Gloire, gloire, gloire au soleil inconnu. Gloire, gloire au soleil inconnu. Au soleil inconnu. Celui qu'on retrouvera demain sur les t-shirts et les photos. Aujourd'hui cherche un peu de pain. Aujourd'hui va risquer sa peau. Se prendre au jeu, mais garder inscrit dans un coin que tous les portraits qu'on accroche sont imprimés sur du chagrin. Si on le fusille à l'aurore, d'autres verront le jour ce soir. On peut quand même apercevoir le soleil inconnu. Gloire, gloire au soleil inconnu. Gloire au soleil inconnu. Gloire, gloire, gloire au soleil inconnu. Au soleil inconnu. Il est de tous les pays sombres et des départements voisins. Il a le regard d'une bombe dans les yeux d'un joli gamin. Soleil inconnu de Blancas sur France Culture à 16h44, où nous parlons en direct aujourd'hui du soleil avec Alan Sacha Brun, astrophysicien, directeur du laboratoire dynamique des étoiles de l'IRFU au CEA de Saclay, et mi-janvier astrophysicienne chercheuse à l'Institut d'astrophysique spatiale, l'IAS, à l'Université Paris-Sud. Alors nous étions dans l'analyse de ce que le soleil pourrait provoquer sur Terre, et est-ce que justement la grande peur qu'il y a peut-être derrière ces travaux de prévision, Alan Sacha Brun, n'est pas un grand blackout comme peut-être il y en a déjà eu lieu? Voilà, donc il y en a eu un très célèbre de 1989 au Québec, donc où le réseau est complètement tombé en rideau et ça a même affecté un peu les États-Unis et la région de New York. Donc effectivement, bon, alors le Canada, ce n'est pas la France au niveau des latitudes, au niveau de l'extension des lignes et de l'Europe. Disons, ils sont plus vulnérables. Oui, leur exposition par rapport à ce qu'on appelle les cornées polaires, c'est-à-dire comment le champ magnétique de la Terre est organisé. Les aurores boréales arrivent beaucoup plus souvent dans les hautes latitudes que chez nous. Mais ça étant dit, effectivement, en Europe, comme les réseaux sont interconnectés, on a vu que des phénomènes qui pouvaient se produire dans les hautes latitudes des pays nordiques pouvaient avoir un impact sur l'Allemagne et l'Allemagne sur la France. Donc il pourrait y avoir un effet de cascade, domino. Qui est de domino sur la France, parce que d'un coup il y aurait des problèmes sur nos collègues. Sur la France même, bien que RTE travaille sur le sujet et a mis en place des procédures, et qu'il faut continuer à regarder ça de plus près, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment le réseau électrique qui est le plus sensible pour la Terre, pour la France, c'est plus le fait que les extramarins, ceux qui vivent ailleurs que la France métropolitaine, qui peuvent être impactés plus. Donc c'est la France dans son ensemble là qui peut être concernée, et puis aussi les aspects d'aviation civile. Parce que là, on a effectivement des avions français, d'Air France, qui voyagent par les pôles quand ils vont faire, par exemple, Paris-Tokyo, quoi. Et donc là, effectivement, il y a des soucis. Je me suis amusé avec un compteur GGR dans un avion à enregistrer les doses de radiation qu'on prend, parce qu'on se prend des radiations en permanence. Alors justement, c'est une excellente transition pour se poser la question de l'homme dans l'espace, c'est-à-dire au-delà même des altitudes des avions de ligne, bien entendu. Est-ce que les rayonnements solaires peuvent avoir un impact sur la survie humaine dans l'espace, c'est-à-dire pendant des voyages vers Mars, par exemple, et apparemment notre séjour sur ces planètes également. Voilà. Alors, mi-janvier. Déjà, il faut se dire qu'on a la chance, nous, sur Terre, d'être protégés par cette boule magnétique qui est la magnétosphère de la Terre, donc qui est le champ magnétique de la Terre. Et on n'a même pas besoin d'aller sur Mars pour voir déjà ces effets de radiation. Et en fait, les astronautes, déjà, parce qu'ils sont à des altitudes beaucoup plus hautes, se reçoivent déjà une dose de radiation qui est beaucoup plus importante que sur le sol. Vous parlez de la station spatiale, par exemple. La station spatiale qui n'est pourtant qu'à 400 km d'altitude, ce qui n'est pas énorme. Exactement. Alors, il y a encore de la recherche à faire dessus, mais on pense que les astronautes voient même des flashs lumineux qui pourraient être une interaction entre des rayons cosmiques et le nerf optique. Bon, à voir si c'est vraiment lié, mais on pense que voilà, il y a déjà des doses de radiation qui sont assez importantes. Alors, si on veut aller sur la Lune, si on veut aller sur Mars, eh bien, de plus en plus, on va s'éloigner de cette protection magnétique de la Terre. Et effectivement, tout le voyage de la Terre à Mars, et même la vie sur Mars, puisque Mars n'a pas la chance d'avoir, comme le Soleil, un champ magnétique qui puisse la protéger de ses rayons cosmiques et des rayons Elle l'a perdu. C'est une chose à laquelle il faut penser si on veut aller coloniser d'autres planètes. Alors, j'en ai parlé justement assez récemment à une personne qui travaille à la NASA sur la possibilité d'envoyer une équipe d'humains sur Mars, qui m'a répondu que à l'heure actuelle, le gros problème, c'est d'avoir de l'eau et de l'oxygène. Mais il va bien sûr falloir penser à toute cette activité du soleil lors du voyage Voilà, ça veut dire que les simulations dans le désert, par exemple, ne sont pas représentatives du tout de ce qui va se passer quand la colonie sera installée sur Mars. Non, vaudrait mieux être plus près de Fukushima que sur Mars, qui est quand même forcément donc une limitation des possibilités humaines, à moins de se protéger. Et on sait que c'est compliqué, puisqu'il faut pour arrêter certaines particules, il faut des épaisseurs de plomb, par exemple, qui sont assez incompatibles avec le voyage spatial. Là-dessus, il y a deux choses qui peuvent être faites. La première, c'est de mettre finalement un champ magnétique autour du vaisseau spatial. Alors ça, c'est l'avantage que ça permet d'enlever toutes les ions et les électrons. Ça n'arrête pas les neutres. Donc effectivement, tous les neutres, c'est-à-dire les particules neutres, elles vont passer à travers la ligne de champ magnétique. Mais déjà, ça enlève toutes celles qui sont chargées. L'autre, c'est d'utiliser, comme on a un problème quand même, on est une machine biologique et qu'on a donc, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent, et ben de s'en servir pour mettre ça sur les parois. Et en fait, les matières fécales pourraient être mises dans la paroi du vaisseau spatial et ça permet de rajouter, et on s'est rendu compte que ces matières-là avaient des pouvoirs d'arrêt qui n'étaient pas négligeables. Et donc, il faudrait débarrasser. Sans surpoids. Il faudrait s'en servir pour se protéger. Une forme de recyclage. Oui. Non, mais enfin, je veux dire, il faut penser en système fermé et utiliser tout. Hein, voilà. Alors, il y a une autre question qui se pose avec l'étude du Soleil, c'est est-ce que ça peut nous permettre, et je pense que c'est le cas, de mesurer les probabilités d'une vie extraterrestre autour d'autres soleils? C'est-à-dire que plus on en sait sur notre Soleil à nous, plus peut-être on peut détecter des fameuses exoplanètes proches de la situation de la Terre par rapport à son étoile, et sur laquelle, la vie aurait pu se développer mi-janvier. Oui, alors, c'est pas tant la détection des exoplanètes, puisque ça, on les détecte. Par contre, effectivement, la question de la relation entre notre étoile, le Soleil, et les planètes du système solaire nous conduit à nous demander, finalement, pour qu'une exoplanète puisse abriter la vie, il lui faut ce champ magnétique qui puisse la protéger de l'activité, du dynamisme de son étoile hôte. On se pose des questions de l'habitabilité, donc la possibilité pour une planète d'habiter une vie, qui ne sont pas juste la distance à laquelle cette planète se trouve de son étoile, mais pas juste la température, mais est-ce qu'elle a ce bouclier et est-ce que son étoile hôte est dynamique, est assez dynamique, mais pas trop dynamique, comme notre Soleil, pour finalement ne pas complètement arracher, puisqu'on pense que c'est ce qui s'est passé pour notamment la planète Mars, pour ne pas arracher les particules de son atmosphère. Donc on pense que par exemple pour Mars, les particules de l'atmosphère martienne se sont en quelque sorte faites arracher par le vent qui nous arrive du Soleil constamment, et comme il n'y a plus de cette protection magnétique, et bien ces particules se sont en quelque sorte parties dans l'espace. Partir. Donc ça induit aussi une quantité, une gravité nécessaire pour conserver pour retenir, cette atmosphère. Est-ce qu'il y a justement, comment on peut expliquer que certaines planètes aient ce champ magnétique et d'autres pas? Est-ce que c'est lié à cette présence d'un cœur liquide qui génère effectivement, ce magnétisme? C'est ce qui se passe. Donc il y a plusieurs conditions. C'est ce fameux effet dynamo dont j'ai parlé plus tôt. Il a certaines propriétés. C'est une instabilité très subtile qui ne fonctionne pas avec n'importe quel écoulement. Alors par exemple, typiquement, dans le cas de Vénus, qui a une très faible rotation, elle n'a pas de champ magnétique non plus. Dans le cas de la Terre, qui tourne une fois par jour, et dans le cas de Jupiter et Saturne, qui tournent en à peu près 10 heures, elles tournent très rapidement, elles ont un champ magnétique intense. Alors, compléter ce que a dit Mio, cette problématique du champ magnétique, elle se pose si on veut le développement de la vie à la surface. On pourrait tout à fait imaginer le développement de la vie dans des grottes. Et à ce moment-là, alors ce ne serait pas par un système de photosynthèse, ça serait sur une autre base. Mais si, on peut réfléchir à d'autres questions. On a trouvé de la vie autour des fumées noires, au fond des fosses océaniques. Donc on sait qu'il y a ce qu'on appelle les extrémophiles. Et donc on peut imaginer des organismes vivants qui pourraient se développer dans des conditions qui ne sont pas celles du mammifère qui veut voir la lumière du soleil à la surface. Hein. Mais bien évidemment, plus on met des conditions, et donc il y a eu des questions qui sont même très intéressantes d'un point de vue philosophique, qui sont, y a-t-il des mondes super habitables? Y a-t-il des mondes dans notre univers et dans notre galaxie qui sont plus habitables que la Terre? Parce qu'on part du principe que c'est la Terre qui est le... Ben voilà, on dit indice de similarité. Quand on prend les exoplanètes, on les compare à ce qu'on appelle l'indice de similarité qui est par rapport à la Terre. Et là, par exemple, Mars, c'est 0,6 ou 0,7. Et il y a des exoplanètes qui ont atteint 0,92. Mais on pourrait imaginer qu'il y a peut-être des planètes qui seront au-dessus de 1. C'est-à-dire qu'elles seront encore plus habitables que la Terre. Quoi. Et donc là, ça sera un vrai problème, puisque justement, comme on l'a dit, il y a peu de chances que nous puissions y aller mi-janvier. Alors, j'aimerais aussi rajouter qu'il y a un paradoxe que l'on a par rapport au Soleil, qui est que le Soleil était beaucoup moins lumineux il y a des millions, des milliards d'années. Et ça, c'est un paradoxe parce que finalement, ce flux d'énergie, on pense, n'était pas assez nécessaire pour avoir de l'eau liquide sur Terre. Et on pense que c'est la dynamique d'un Soleil plus jeune, qui était bien plus dynamique qu'il ne l'est à l'heure actuelle, qui aurait sans doute provoqué les réactions de formation d'ARN et d'ADN. Donc même si on a peut-être la création de la vie dans des conditions complètement différentes, la création de la vie comme on pense qu'elle s'est passée sur Terre nous rejoint en quelque sorte la question de la dynamique de l'étoile haute d'une exoplanète. Alors, je voudrais pas qu'on termine cette émission sans parler quand même de l'avenir et de la fin du Soleil, puisque aujourd'hui, avec ce que l'on sait de cette étoile, on peut calculer le stade où elle se trouve aujourd'hui de sa durée de vie, et puis la fin de cette durée de vie. Alain Sacha Brun, quels seront les stades futurs ? Voilà. Ben en fait, les étoiles comme le Soleil ralentissent au cours du temps. Et donc, plus elles vieillissent, moins elles tournent vite sur elles-mêmes et moins elles sont magnétiquement actives. Donc, les soleils jeunes tournent très vite et sont très actifs. Les soleils vieux tournent lentement et sont peu actifs. Ça, c'est tant qu'ils sont sur la séquence principale et qu'ils ont encore de l'hydrogène à brûler dans leur cœur. Une fois que ce cœur a été transformé en cœur d'hélium, la densité et la température au centre du Soleil actuel ne sont pas suffisantes pour déclencher les réactions de fusion de l'hélium. Donc le cœur se contracte, on atteint 100 millions de degrés plutôt que 15, et l'enveloppe externe s'adapte à cette augmentation de la température centrale et l'enveloppe du Soleil se transforme et devient très grande et atteindra à peu près l'orbite de la Terre, pas complètement. Donc ça veut dire que vous allez imaginer le Soleil va grandir dans le ciel, va devenir de plus en plus rouge parce que c'est une géante rouge, il va absorber Mercure et Vénus et nous on va être juste en périphérie, ça va devenir une planète Terre complètement désertique et à la fin de cette histoire, par des effets de marée subtils, en plus du enflement de l'étoile, la Terre va être absorbée. Alors, ce que ça veut dire, ça ? Ça, veut dire c'est que quel horizon de temps ? C'est à peu près 5,5 milliards d'années. Donc, on est à mi-chemin. On est à peu près à mi-chemin, pas tout à fait. Et donc, le Soleil va monter sur cette branche de géante rouge et de géante rouge, et il va finir par éjecter son enveloppe, pas sous forme explosive comme les supernovas, mais plus calmement, avec des pulses thermiques, on appelle, et il va rester au centre, ce qu'on appelle une naine blanche, qui fera à peu près 60% de la masse du Soleil et qui sera composée principalement de carbone, d'azote et d'oxygène. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on aura disparu depuis déjà un certain temps. Ah oui, mais alors ce qui est intéressant par rapport à l'habitabilité dont on parlait avec Mio juste à l'instant, c'est que l'habitabilité des planètes, on peut aussi penser à l'habitabilité des lunes. Et il n'est pas complètement exclu que cette augmentation de la température du flux de chaleur du Soleil ne rende pas des lunes par exemple Titan autour de Saturne, habitables. Et donc on peut aussi se poser la question non pas que des exostères, mais aussi des exolunes. Alors voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos deux invités, Alain Sacha Brun et Mio Janvier, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lauzin, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Étienne, Hugo Bartholoméi, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère à la technique, Elisabeth Gornescotto au droit d'auteur. Rendez-vous demain dans la méthode scientifique où nous parlerons d'agriculture et des solutions pour cultiver sans polluer. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Du Grain à Moudre à 18h20 sur le thème « Comment lutter contre le cyberharcèlement ». À 17h, LSD, la série documentaire est consacrée cette semaine à la relation soignant-soigné. Aujourd'hui, les patients prennent le pouvoir.